seule émission, une seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclus dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial La Crime. Passez une bonne soirée. Et oui, première semaine, puisqu'il y aura 2 semaines pour La Crime. C'est la 2e soirée de cette première semaine. Comment ça va? Ça va, Fred? Tu vas bien? Eh ben, écoute, en pleine forme. Je suis ravi de présenter cet album qui est un excellent album, qui est l'album de la rentrée qui sort dans 6 jours maintenant. Merci. 1er septembre, il s'appelle Corleone. On a pu découvrir des titres inédits, notamment Bracelet hier, qu'on a balancé en exclu. Ouais. Il y aura peut-être d'autres morceaux dans la semaine. C'est vrai qu'on va aussi revenir cette semaine sur ta carrière, sur les morceaux qui t'ont, entre guillemets, popularisé, ou en tout cas fait connaître. Il y a eu plein de clics sur certains titres et c'est ce qu'on reviendra ce soir encore dans l'émission. Okay. Des invités aussi, un invité ce soir, à tes côtés. Un invité. Aïe, aïe, aïe. C'est quelqu'un qui supporte. Je vois, moi, j'arrête pas de le voir. Il tweet sur toi, il envoie des messages. Il arrête pas, hein. C'est un plaisir. C'est le poteau. Ça fait longtemps, on se connaît, tu vois. C'est une amitié, même. C'est monsieur Ice Lemsi qui est là avec nous. Invité par le poteau Lacrim. Bien vu, Refrain. On soutient Corleone. Ça fait plaisir. Cet album, moi, je l'ai écouté en avant-première et c'est vraiment une frappe de ouf. Franchement, allez chercher le coffret parce qu'il y a beaucoup de travail derrière. Il y a des années de galère, il y a du vécu, il y a beaucoup de choses, faut respecter. Merci. Je le vois et puis je l'entends encore plus maintenant que c'est sincère, parce que c'est vrai que je vois beaucoup de messages. Tu supportes déjà depuis un bon moment, mais c'est vrai que t'es pas mal sur cet album en tout cas. T'arrêtes pas de le soutenir et de rappeler la date de sortie de Corleone. Voilà. Donc t'as écouté l'album? J'ai écouté l'album, une tuerie de ouf, une grosse évolution. Voilà, c'est toujours le même Lacrim, mais il revient encore plus fort avec des nouveaux flows, des nouveaux trucs. Tu vois, il est pas resté figé. Il est pas resté figé, c'est pas le même album qu'avant, c'est un nouvel album, c'est un artiste qui a évolué, tu vois. Donc il faut respecter le truc et tu m'en Merci ma gueule. Ouais. Et bah bienvenue bon, Ice, bon, tout voilà. Va bien, le XV Barbare va bien. XV Barbare va bien, grosse dédicace à tout XV Barbare qui nous écoute là. On les salue d'ailleurs, en tout cas XV Barbare. Voilà. Ils sont là, ils sont dans la street là, ils écoutent frère, dans la voiture, tout ça, tu connais. Gros big up à vous les gars. Et bah une grosse dédicace à vous tous, Ice Lemsi avec La Crime ce soir dans l'émission. Et puis je sais pas si t'as écouté hier, mais on va se faire le replay de l'émission d'hier soir avec La Crime, un court résumé rapide de ce qui s'est passé hier pour cette première avec toi, La Crime. Planète Rap, le replay. Ok, La Crime cette semaine sur Skyrock, dans Planète Rap. Skyrock. C'est parti pour l'événement. Pendant 15 jours, il est là tous les soirs de la semaine. La Crime, comment va? Ça va très bien. Salut Fred. On vient débuter avec une grosse exclue en plus. Ouais, merci, c'est un gros titre. C'est le morceau qui s'appelle Bracelet. Ouais. C'est extrait de cet album qui s'appelle Corleone, qui sort donc le 1er septembre. Ouais. Là, je rentre dans la dernière ligne droite, c'est-à-dire les derniers jours avant la sortie, et je reviens dans le vif du sujet. Donc c'est un peu de doute forcément, en se disant est-ce que j'ai bien fait le boulot? Ouais, voilà. Moi, j'ai le sentiment d'avoir tout donné, tu vois. Donc t'as beaucoup écrit en prison cet album, ou il y avait? Ouais, en fait, j'ai écrit le seul titre que j'ai écrit en prison. C'est le morceau Les Lovés, tu vois. Je l'ai écrit en prison, c'était une ambiance où je voulais un peu m'évader. Mais on va dire que je suis sorti de prison, j'avais zéro titre, et je suis rentré en studio et on s'est concentré sur l'album. J'ai écrit tout depuis ma sortie. On dit un petit mot aussi sur Corleone, le nom de l'album, le choix de l'album et ce titre. Corleone, c'est un village, tu vois, c'est un village où c'est. T'sais, en Italie. En Sicile, tu vois. Exact. Et pour y avoir été, ça veut dire vraiment, j'ai vu, tu sais, faut monter, tu vois. Il n'y a pas quelqu'un qui a de l'argent là-bas. C'est des agriculteurs, voilà. Tu sais, la pomme de terre, la truc, ils ont pas de viande. Le replay. On va faire un petit vrai faux, tu sais, qu'on voit un peu tout sur le net, tout et n'importe quoi. Ouais. Donc tu vas me dire vrai ou faux. Tu veux réaliser et jouer dans Scarface 2. Vrai ou faux? Totalement faux. Totalement faux. Ouais. Totalement bidon. Ouais. Vu sur le net, depuis que tu vis sur Marseille, tu as pris ton abonnement chez le groupe de supporters Yankee Nord. Non, faux. Non, faux. Donc ok, pas supporter de l'OM? Supporter de l'OM, supporter de Paris, vraiment, t'as vu, moi je suis. De toute façon, tu vois, j'habitais là-bas, j'étais là-bas, tu vois, je suis pas. J'aime tout le monde. Tu voyages. Amel Ben, qu'on retrouve d'ailleurs sur l'album de Corleone, t'as pistonné pour le prochain Dansant avec les Stars? Oh non, pas du tout. non, pas du tout. Bon, Amel, c'est vrai qu'elle fait partie des featurings hein, sur cet album. On va écouter maintenant le morceau que tu vas nous faire en live. Ça, on a débuté le Planète Rap avec. Ouais. T'es prêt pour le faire maintenant? Ouais, pas de problème. On peut y aller? On peut y aller. Allez, live dans Planète Rap avec La Crime pour cette première soirée. Toujours du flow pour les fils de pute et les donneurs de go. Je pense à mes ro, toujours en cash. J'ai beaucoup de rêves à convertir en cash. Clique ma page, nique les barrages. Le pote le voyou va devenir l'otage. Besoin d'évacuer ma rage, va bon massage au bord de la plage. Ouais, je mets mon fils dans le X6. 5 ans, il aura fait les Mexiques. Ferme ta gueule, imbécile. Nous c'est V12 et pas V6. J'ai tout niqué dans ma Tessie. J'ai pas de chat, j'suis pas Messi. J'vais du 9-4, j'me suis fait tout seul. Donc je prends tout, j'dis pas merci. Le replay d'hier soir avec la crime. Concentré de l'émission d'hier soir. Ouais. Et ce soir, pendant une heure, on est ensemble avec ICMC qui a débarqué aussi dans le studio. Il y aura du live ce soir, la crème. Voilà, en fait, c'est une rétrospective de mes anciens projets. Tu vois, belle rencontre avec Ice. Moi, je validais, une bête de rappeur, tu vois. Après, on s'est rencontrés, l'humain s'est passé direct. Tu vois, on a passé des moments ensemble, on a passé des jours ensemble. Je l'ai invité pour mon projet à la base, qui était toujours le même. Et on a fait un morceau en studio, ça nous a pas plu. On en a fait un deuxième, ça nous a pas plu. On en a fait un troisième. C'est pour dire que le mec s'est déplacé, tu vois. On a passé peut-être 6 jours en studio jusqu'à qu'on ait le bon. Il s'est investi à fond, tout ça. Franchement, c'était bien, tu vois. Et depuis, on a gardé de bons contacts. Ouais, et lui, il est sur son album aussi, Ice, là. Il bosse en ce moment, je sais. Et vous faites des choses. D'ailleurs, j'étais en prison. Il a sorti des projets. Ça a très bien fonctionné. J'étais content, tu vois. Je suivais ça de loin, tu vois, parce que j'étais en prison. Ça. Mais on s'est pas revu depuis, tu vois. Et franchement, bien, ma gueule. Tu vois, tu mérites. C'est il y a un morceau d'ailleurs qui est arrivé qui s'appelle Corner, je sais pas s'il sera sur l'album ou si c'est un morceau. Qui est arrivé, ouais, il s'appelle Corner. Non, c'est un morceau que j'ai balancé comme ça, tu vois, qui annonçait rien et c'était juste pour montrer que voilà, on est encore là, on bosse dur et si ça met du temps derrière, c'est parce que le travail il est encore plus appliqué qu'avant, encore plus professionnel. Donc bon, toi l'album c'est plutôt fin de l'année, hein. C'est plutôt fin d'année. Et ouais, et je pense que ça va être le meilleur de ma vie. Eh bah très bien, on suivra ça en tout cas avec Ace MC. Et on débute avec le morceau qui s'appelle Bracelet tout de suite. Ouais. C'est extrait de l'album Corleone, ça sort lundi 1er septembre. La crime. T'es une belle petite bombe atomique, un bête de corps, une parole de fusil. J'ai le bracelet électronique, sinon je serais déjà parti dans les îles. Je veux une salope comme Clara Morgan, t'as envie de baiser, j'ai lu dans ton regard. 69-890, bâtiment B posé dans le calme. Le matin je descends dans la promenade, je suis cette barre de fils de pute. Je veux la directrice dans un convoi, avec Félix et So faire sauter le bus. Dehors ça complote, on va te fumer, un jour de pluie te laisser par terre. J'aurai un alibi, je serai à Miami sur un jet ski sans départeur. Non t'aimes c'est si t'aimes je vais. La commis parfait pour décevoir ses frères. Tu me donnes un tuyau, je vais te faire l'affaire. Je donnerai pas ton nom si le procureur m'enferme. Je suis tellement fier, 10 millions je serai pas de bite. On dit que le diable m'habite, connaît toute ma vie. Que le doute navigue dans toute ma vie. Mon automatique va les faire changer d'avis. Oh, toujours du flow, pour le fils de pute les donneurs d'ego. Je pense à mes robes, toujours en cage. C'est beaucoup d'erreurs à convertir en cash. Clique ma page, on éclate les barrages. Ton pote le voyou va devenir l'otage. Besoin de tuer ma rage, un bon massage à bord de la. Ouais, je mets mon fils dans le X6. 5 ans, il aura fait le Mexique. Ferme ta gueule, imbécile. Nous c'est V12, c'est pas V6. J'ai tout niqué dans ma tessie. J'ai pas de chat, j'suis pas Messi. J'viens du 9-4, j'me suis fait tout seul. Donc je prends tout, j'dis pas merci. Espèce de fils de pute à sucer. Y'a des locations qui sont pucées. C'est les vrais qui font que j'ai du succès. J'compte à des vrais tueurs, quand même tu sais. Demandeur quand tu as des couilles. Ça c'est pour la vie. Mais comme t'as donné ton petit cul, tu seras jamais mon ami. Toto à 23h, j'bois du champagne. Foie gras, pas des Stringles. T'inquiète mon frère, j'suis toujours le même. Calibré comme un Ingle. Ils parlent tous de moi comme gros Carlos. Bécane, photo, bamo. J'te laisse sortir devant chez toi. T'es mort devant la porte de ton capos. J'ai jamais sucé, j'ai jamais violé. J'ai mis des billets gris que des billets violés. Salut, fils de pute, vous êtes démodé. C'est quoi ces talons, j'vais la démonter. J'suis parti pour tout baiser. Wesh les gars, la guille fraîche, dans la rue sur mes couilles que j'ai tout misé. Comme une carapace, pas besoin de savoir viser. Tout le temps j'suis steppy. De toutes les couleurs sont mes yébis. De toutes les couleurs sont mes amis. Russie, Bastard jusqu'au Mali. Ah tu saisis, nique ta mère. Je représente les vrais frères. J'suis déter, y'a mon album qui va sortir. Madame Echo, c'est lunaire. Avant d'aller au prétoire, j'fume un joint d'herbe. J'me rappelle que je peux mourir avant d'avoir l'âge de mon père. Quel enfer, 9-4, se battre pour avoir 20e, 19e, tu me fais juste une heure avec moi. On est simple pour le plaisant de sur la tête de ma daronne que je changerai pas. Que je changerai pas, que je changerai pas, que je changerai pas, que je changerai pas, que je changerai pas, que je changerai pas, que je changerai pas, que je changerai pas, que je changerai pas. C'est la crime avec ce morceau fou qu'on a découvert hier dans l'émission qui figure sur le toit aussi. Tu l'as mis ce morceau. Lourd. Bracelet à l'instant. Bracelet. Extrait de Corleone, l'album à découvrir toute la semaine et pendant deux semaines dans Planète Rap entre 20h et 21h. À SMC, c'est le 1er septembre. Il y a une box collector aussi qu'on vous file. Ça, ce sera tout à l'heure. Il faudra répondre à une question qu'on vous posera d'ici quelques minutes. Box collector qui est dispo uniquement à la Fnac. Avec t-shirt et l'album en édition limitée. Sinon pour tout le monde, il y a aussi l'album qu'on trouvera un peu partout. Ou alors en précommande dès maintenant. Corleone, l'album de la crime à découvrir entre 20 et 21. Je sais pas si vous avez entendu aujourd'hui. Parmi tous les sportifs qui se lancent dans le rap, il y en a un nouveau au niveau. Vous avez écouté ou pas le nouveau sportif qui se lance dans le rap? Non du tout. Écoutez ça. Que te pega de jeito, que fura teu bloqueio e te rasga no meio. Agora. Ele mesmo. Voilà, alors petite idée de qui fait ce petit freestyle. Ouais, aucune idée. Un joueur de foot. Non, aucune idée. Franchement, je vois pas. Neymar. Ok. Ah ouais. Je me disais, le mec il rappe en quoi, je pense. Ouais, mais il a pris une nana, il fait un feat comme ça. Je sais pas d'où vient cette vidéo, je sais pas d'où c'est sorti. C'est arrivé sur le net aujourd'hui, ça fait un peu le buzz. C'est Neymar donc qui se lance dans le rap. C'est bien. Bah écoute, pourquoi pas, hein. Ouais, mais alors, mec, c'est bien. Un petit featuring avec Neymar, bien peut-être. Sur l'album d'Ice MC, comme il y a ton album en cours, non, c'est pas prévu. Trop cher. Non. Attends, c'est lui okay. Qui peut venir sur les featuring, peut filer un peu de pognon, Neymar. Hein. Il est tranquille, il est budget. Bon, l'album de Ice MC, ce sera pour la fin de l'année. D'ici là, le 1er septembre sort l'album de La Crime. On fait aussi un petit retour en arrière sur certains de tes morceaux. On va mettre un titre maintenant qui s'appelle Espagna. Ouais, Espagna. Tu veux dire un mot sur celui-ci? C'est Espagna, c'est un morceau que je kiffe, que je sais, le public a beaucoup écouté, je sais qui a beaucoup tourné, donc voilà, une petite rétrospective, on balance Espagna. Tiens, dites-nous aussi vos morceaux préférés de La Crime, vous le balancez avec le hashtag La Crime sur Skyrock, la vidéo de l'émission est dispo sur skyrock.fm, on a rajouté aussi d'ailleurs vos tweets qui sont balancés en temps réel sur le bandeau si vous suivez l'émission en live ou alors via l'application, et on écoute donc ce titre Espagna de La Crime maintenant. Regarde la lune, je m'évade, je suis pensif. Le monde part en couille, un peu comme moi ces temps-ci. De l'état, ni j'apprends, ni j'obéis. La France me casse la tête, donc je change de pays. J'avoue, y'a l'excès de femmes, de boissons, meurtries. La fête y est, mais je reste bien sombre. Crois-moi, devant la haine se cache l'émotion. Dis-leur brûler, pas du regard, alors. L'œil vrai du rap, j'aime les planter ma tente. Pour l'instant, l'incendie ne vaut pas les flammes qui m'attendent. La vie, c'est plein de scénarios. Je rêve, je m'endors, bourré, je me réveille sur un yacht. Psychologique, j'oublie mes galères. Je sais que je me confie peu, mais qu'est-ce que j'ai mangé de la camelle. Oui, là c'est jacuzzi avec une femme bien faite. Attention, je fais que de me perdre, tu pas amateur bien fait. Ok, si on tire, on blesse pas. Y'a des villes en Espagne que la PJ ne connaisse pas. Ouais, des allers-retours entre le bien et le mal. Mais à la vue de l'oseille, la vie devient aimable. Si on tire, on blesse pas. Y'a des villes en Espagne que la PJ ne connaisse pas. Ouais, des allers-retours entre le bien et le mal. Mais à la vue de l'oseille, la vie devient aimable. Il est 3h du mat, genre du saloon. Soir j'ai 2 mois à la bouche, c'est grâce à ces saloons. La vie d'un loca, tous les jours, prends femme, je m'envole. Champagne, Jack et des grandes folles. On vit dans l'éphémère, en effet c'est troublant. La crime au cœur noir avec un féfé tout blanc. Avance sur l'autoroute, je veux pas que tout le monde l'apprenne. Boîte en boîte, pas en bas, jusqu'à 12h de l'après. D-Boy Store, c'est la boutique, plein air, grosse terre. Lunettes Dior, peignoir Gucci, là, t'es en Espagne. Demain t'es sur freine, et toujours du bif à gauche. Faut pas que les keufs te surprennent. On a du charisme, la clash sur l'auteur. Sans les temps dans la merde, qu'on s'imprègne de son odeur. Moi, j'en ai mangé grave, l'oseille t'abîme. Pour mes frères d'Alger, Oranais, Kabyle. Ok, si on tire, on blesse pas. Y'a des villes en Espagne que la PJ ne connaisse pas. Ouais, des allers-retours entre le bien et le mal. Mais à la vue de l'oseille, la vie devient aimable. Si on tire, on blesse pas. Y'a des villes en Espagne que la PJ ne connaisse pas. Ouais, des allers-retours entre le bien et le mal. Alors, on a dit. À la vue de l'oseille, la vie devient aimable. Vol à main, armée, go fast, cavale, barrage, guardia, faux phare, perte de poids, sur écoute, ta sœur, passeur, resto, photo, classeur. Dans ce monde rare, ceux qui trouvent la porte de sortie, car une fois dans le cyclone, tu ne peux plus en sortir. La juste casse le cul, je suis réel, échec, parce que sans le règne, tu dépenses, t'achètes, réponds music, c'est gravé dans le cœur pour les frères qui s'ouvrent et qui braquent des banqueurs. Regarde le coin où je t'ai amené, rien que je voyage, laisse-toi prendre et fais un ouin, je t'ai amené. Fais un ouin, je t'ai amené, gros. grosse pensée à tous ceux enfermés. Et merci à tous ceux qui soutiennent. Le morceau s'appelle Espagna, c'est la crime. C'est un petit retour en arrière sur les morceaux. C'est ce qu'on fait depuis hier et jusqu'à la fin de semaine avant la sortie de l'album le 1er septembre de la crime. Morceau Espagna et vos messages. Ça n'arrête pas de défiler, hein. Je regarde depuis tout à l'heure. Ouais. Tu vois les messages ou pas? Ouais, je vois. Les gens qui soutiennent. Dites-nous aussi si vous avez récupéré l'album, si vous avez précommandé l'album. Envoyez les captures d'écran via le skyrock.fm. Ça défile, hein. Ça défile, hein. Oui. Avec ASMC qui est là aussi ce soir et on fera le live d'un morceau qui s'appelle Dolce Vita. Voilà. Yes, donc c'est le morceau, c'est ce que tu racontais tout à l'heure. Oui, premier morceau pas satisfait, deuxième. Ouais. Et la Dolce Vita, celui-ci s'est imposé. Ouais, naturellement. Vous avez la même façon d'écrire tous les deux, c'est quoi? Il faut avoir le son, faut avoir le. On n'a pas forcément les mêmes façons d'écrire, mais on s'entend en studio musicalement, on s'entend, tu vois. Mais après de ce côté-là, ouais, je pense que moi faut la prod, il faut la prod toi aussi pour. Ouais. Voilà, nous il nous fallait juste. Un son vraiment, une vraie performance, tu vois. C'est pour ça qu'on a fait 1, 2, 3 et puis on n'était pas satisfaits, tu vois. Après, les artistes, on est un peu tous des éternels insatisfaits dans notre truc, mais voilà, on aime bien s'appliquer. Bon, SMC, il fait donc partie des gens que t'écoutes, je suppose. Ouais. C'est vrai qu'hier, tu nous disais, t'es plus là, en ce moment rapricain. Ouais, exactement. Mais en France, tu jettes quand même une oreille, il y a des choses qui te plaisent. Après, c'est par exemple, je suis avec Belek, il est avec Ice, tu vois, souvent. Il me dit, voilà, t'as eu un dernier morceau, il y a un truc, je suis là, j'écoute, tu vois. Si c'est d'autres personnes, je veux pas forcément écouter ou je m'en fous un peu, tu vois ce que je veux dire. Mais après, on a commencé, c'est-à-dire si je l'ai invité déjà sur mes projets, c'est qu'il y a un feeling de ouf et c'est que j'apprécie la personne, j'apprécie son rap, tu vois. Donc c'est logique. Bon, est-ce qu'il y aura aussi une rencontre sur ton album? Bah écoute, on va voir. Hein. Pourquoi pas. À suivre. À suivre. À faire à suivre. Ouais, si tu suis, à suivre. Je suis. Bon, et là en attendant, il y a la crime, l'album Corleone qui sort. Ouais, Slim aussi, il est là, il écoute. Le 1er septembre, vous ferez le live tout à l'heure de Dolce Vita. On va écouter le Pocket Coffee. Ouais. Maintenant? Ouais, maintenant, allez. Allez, c'est parti, c'est extrait d'album qui sort le 1er septembre. Ouais, dédicace à Papson. Dédicace à Dima. Chami, ça la l'attache. Rêve de tranquillité, de millions de dollars. La fourche, la gifle. Demain matin, je vais la me faire sucer dans un sauna. Je suis un homme, faut qu'on se le dise. Je pourrais te faire des trucs de malade. Peut-être que t'as vendu quelques disques. Parce que papa n'était pas là. Qu'est-ce que tu vas m'apprendre de la vie? Ouais, ce lien. Les anciens routards. 60 jours avant que n'arrive l'euro, j'avais déjà 10 parts en moutarde. Jamais connu la puberté. 11 ans, j'irais de gros staff. 17 ans, raté le million. Le juge m'a là-bas, fallait liberté. Par la fenêtre ou pas? Déjà, je veux délaborter. Hein? Faut l'amour avec la muerte. Je vais rentrer dans le cul de la France. Ça n'est qu'une histoire de fierté. Ce que j'ai fait, je le regrette pour qu'une seule raison. Parce que ma mère a pleuré. Je m'en bats les couilles, c'est pas ma faute. Tu fais ton taf, t'es banquier rappeuré. Tu rêvais d'avoir un bâton. Tu n'as même pas eu la voilette. Ma mère m'a dit, t'as pris des millions. Que t'as chié et dans les toilettes. Des mecs comme moi dans le rap, y'en a peu. Mais dans les cités, y'en a des milliers. Si tu fais plus de sous que les Schmitt, ils voudront t'humilier. J'ai connu Marbella, connu Marbella. Tom la favela, Tom la favela. J'en prenais des kilos de pire. Toi tu n'étais jamais là. J'ai connu la devise. La crime dans ta voiture, on t'a bloqué minimum à 2-10. J'suis bourré, j'pense à mes frères. J'ai laissé dans la promenade. Ils sont trop la dalle et peut-être beaucoup de gens à tuer. Beaucoup de gens à tuer. On veut pas être adulé. Nous ne sommes pas dans un film. Tarot m'a tué. Cinquantaine de loyers. C'est le tarot d'un soldat pour foudroyer. J'ai l'alibi, me voilà nettoyé. J'parle du lit tranquille. Sur la tête de mon fiston. Quand je vais, je le vis donc gros. C'est pour lui, pas pour des putes. Pas pour des putes. Je prendrai même du vison. Je pense à lui, j'ai des frissons. Lui dans mes bras, un brolique sur moi. Quelle vie nous subissons. Regarde ce système. À quoi il t'amène. Remplis sac de l'OV. Ou bien je te nique ta mère. Vécu dans les égouts. J'ai ma suite au palace. Ta tête me dit quelque chose. Y'aurait pas ta mère au Dallas. Des cartouches de Famas. Y'en a jusqu'à Damas. Mais là je suis dans les îles. Sur un ananas. J'ai connu Marbella, connu Marbella. Tom la favela, Tom la favela. J'en prenais des kilos de pire. Toi tu n'étais jamais là. Tu n'étais jamais là. J'ai connu la devise. La crime. Ah Boudère, c'est comment Boudère, bloqué. Fraîche. Minimum à 2-10. La bagarre. Fati. On sait pas faire. On préfère. C'est comment t'allumer ta mère. T'allumer ta mère. Comme ça, Lisa. La bagarre, on on sait pas faire. Aïe. On préfère Clignot. Allumer ta mère. Allumer ta mère. Allumer ta mère. Coffee à l'instant, c'est extrait de l'album de La Crime qui sort le 1er septembre lundi, ouais. Dans les bacs dans 6 jours maintenant la sortie de l'album. Un mot sur celui-ci, comment il est né celui-ci, le Pocket? Ouais, naturellement, pareil, j'écoute la prod ce jour-là, je l'ai fait chez moi. Je suis rentré chez moi après le bracelet, ça veut dire à 17h. Je l'ai écrit 23h, 23h30, c'est fini. Je suis revenu le lendemain, je l'ai fait, corps il était choqué. Voilà. Donc le morceau Pocket. Gros titre, voilà. Toi, en Algérie. Tu vois, c'est bien avec le morceau, belle ambiance, tout. Tu vois, ça tourne, hein, je vois que ça tourne. Toi, pour les morceaux, justement, quand t'écris, t'as besoin de partir de quoi? D'une phrase, de... C'est, je pars de la d'une prod. Rencontre, de ce que t'as vécu? Je pars de la prod, moi. C'est la prod qui va me dire, tu vois. Et c'est, mais c'est des images de ouais, vécu, c'est hein, imagé. Ouais, mon rap, il est que imagé. C'est que des images qui me mettent dans la tête que j'essaie de transformer en rime, en phase, en punchline, tu vois. Et ça doit passer forcément par le son, quoi. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait le son. Ouais, obligé. C'est ça qui m'inspire. T'as jamais une pris... guitare, un truc, ça va être plutôt joyeux, ça va être ça. Un truc sombre, ça va être ça. C'est mes démons, mes trucs, mais tu vois, c'est ça. Sur les sons, justement, il y a eu des choses sur lesquelles t'as pas pu poser ou des sons sur lesquels t'as pas voulu aller trop. Bien sûr. Après, c'est même pas une question de, c'est même juste de flow, de tempo, de sonorité. Voilà, ça me plaît pas trop. Je suis pas trop en accord avec ça. Tu vois, je me verrais pas poser sur ça. Ça arrive à tout le monde, tu vois. Ce que disait Ace tout à l'heure, oui, c'est vrai que sur cet album, il y a encore une progression, il y a encore, voilà, des nouveaux flows. Toi, c'est un truc que t'as testé, que t'as ressenti justement en studio. À mort. Mais ça, je le savais depuis que je travaillais corps, en fait. Et Belek, tu vois. Je savais que de ce côté-là, ça allait être un truc de fou. Tu vois? Donc c'était, ouais, un vrai travail là-dessus en bien studio, sûr, un vrai travail en commun. Bien sûr. Donc même si t'as une prod de fou, tu vois, comme celle que j'ai sur mon album, faut faire du taf dessus. C'est pas, t'arrives, tu poses, allez, je m'en bats les couilles, tu vois. Encore le morceau Pocket Coffee, pour moi, c'est une performance. C'est un 4 minutes sans s'arrêter, tu vois. Donc c'est vraiment, tu craches un peu. Mais les autres morceaux, il y a du relief, tu vois. Faut vraiment adapter, c'est, voilà. Bon, on écoutera dans un instant le morceau qui a été un des tout premiers arrivés, qui s'appelle Mon Glock de métrage. Non, ouais. Ça arrive dans un instant sur Skyrock. Okay. Petite question aussi pour repartir avec la box collector, le coffret collector, avec l'album et le t-shirt en édition limitée. Hier, on a parlé de Corleone. Dites-nous tout simplement par SMS 41-759, où se situe, dans quelle région du monde se situe Corleone, ce petit village. Allez-y, ouais. 41-759, simple, hein. Ouais. C'est pratiquement offert, la box. Allez-y. Et avec le hashtag aussi, La Crime sur Skyrock. On va revenir dans quelques minutes après la pub. Ice MC est aussi en invité dans le Planet Rap de La Crime. Comme toi, La Crime a choisi Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. Sorti le 1er septembre de Corleone, en voici un extrait, mon Glock. Ouais, Boudère. Hein, fraîche. Bagnolet, c'est comment? Eh, Borzo. Ça dit quoi? Ouais, Lune, ouais, les baumettes, freine, la santé, fleurie. Ah. T'as pris des bêtes, tu veux me faire la guerre, guerre. Mon cœur te mettra à genoux, même tu sais, te mettra à genoux, mon cœur te mettra à genoux. De trois promenades et tu me croyais mort. Mon cœur te mettra à genoux, mon cœur te mettra à genoux, mon cœur te mettra à genoux. Y'a pas de hasard, y'a le pas de rêve. Mon cœur te mettra à genoux. Mon cœur te mettra à genoux, mon cœur te mettra à genoux. Je relève les comptes et tire des sous. Mon cœur te mettra à genoux, mon cœur te mettra à genoux, mon cœur te mettra à genoux. Je suis pas la perle rare, va niquer ta mère, j'emmerde le rap. C'est moi que les keufs appellent l'arabe, c'est moi qui vais t'allumer ta race. Pourquoi sont-ils mauvais? Il faut les voyous mais sans lever. Je laisserai jamais partir en paix. Non, du premier bâtiment B. Là, je suis sorti, ça part de là. Dédicace à lui, à tous mes braves. Qui m'ont dit la prime, ah. La prime, c'est grave. Tu pars de la rue, mais rien plus grave. Va donc te ta soeur, la chienne. Ça dit quoi, ma gueule? Tu des choses, toi, Richel. Ah. C'est ça que j'aime. Et qu'est-ce que t'as tout carré, c'est sa chenette. Ouais, ouais, je me dégage, c'est la épicine. Ouais, perpète, c'est homicide. Tu peux garder, tu t'es un con. Rien à voir avec mon missile. Ouais. On a les vrais brûlants avec nous. ouais. Ceux qui se débrident avec vous, ouais. Tous les hommes meurent mais peuvent vivre mon coup de cul que je parle avec vous. T'as pris des bêtes, tu veux me faire la guerre, guerre. Mon gars te mettra à genoux, non, mon gars te mettra à genoux. Non, mon gars te mettra à genoux. Deux, trois promenades et tu me croyais mort. Mon gars te mettra à genoux, non, mon gars te mettra à genoux. Non, mon gars te mettra à genoux. Y'a pas de hasard, y'a le baveur. Mon gars te mettra à genoux, non, mon gars te mettra à genoux. Non, mon gars te mettra à genoux. Je relève les comptes et tu dois des sous. Non, mon gars te mettra à genoux. Non, mon gars te mettra à genoux. Non, mon gars te mettra à genoux. Je fais pas dans le détail, casque intégral, une grosse bécane. Bang, bang, bang, la crime c'est one. Pas de diplomatie, j'suis une racaille. Eh ouais, à taille, regarde le drapeau. Couleur billet sans couleur drapeau. T'as fait sans bip, moi sans braco. Dormi dans les hôtels de Monaco. Bref, ce sont tous des chiens qui aboient. Les gars, leur nique, leur mère, et y'a quoi. Mon accord, je me dette, commence par toi. Connard, je veux te voir te rentrer, tais-toi. Écoute, et tais-toi. T'as son, t'es bâtard. De moi le tuyau, j'attache au Qatar. On a passé l'âge de faire des bâtards. Cousin, j'allume ta mère, j'rentre au placard. J'ai vif des chiens, des chats en parloir. Pas d'eux qui me prennent de battre par moi. Des milliers d'êtres remplissent mon armoire. Les vrais qui me font que penser à moi. Je ne suis haï que je suis. Ok, Corleone, frère. Seul sur la route et je roule sans rétro. Aimé par les pros, aimé par les gros. It's time to come true. It's time to come true. It's time to come true. What level do? T'as pris des bêtes, tu veux me faire la guerre? Mon gars te mettra à genoux. Non, mon gars te mettra à genoux. Non, mon gars te mettra à genoux. Deux, trois promenades et tu me croyais mort. Mon gars te mettra à genoux. Non, mon gars te mettra à genoux. Non, mon gars te mettra à genoux. Y'a pas de hasard, y'a le pas. Mon gars te mettra à genoux. Non, mon gars te mettra à genoux. Non, mon gars te mettra à genoux. Je relève les comptes et tu dois des sous. Non, mon gars te mettra à genoux. Non, mon gars te mettra à genoux. Bastos dans leur mer, ouais. T'as frappe, t'as frappe, t'as frappe. Bastos dans leur mer, ouais. T'as frappe, t'as frappe, t'as frappe. Bastos dans leur mer, ouais. T'as frappe, t'as frappe, t'as frappe. Bastos dans leur mer, ouais. T'as frappe, t'as frappe, t'as frappe. Bastos dans leur mer, ouais. T'as frappe, t'as frappe, t'as frappe. Bastos dans leur mer, ouais. T'as frappe, t'as frappe, t'as frappe. Bastos dans leur mer, ouais. T'as frappe, t'as frappe, t'as frappe. Bastos dans leur mer, ouais. T'as frappe, t'as frappe, t'as frappe. La frappe, la frappe. Ouais. Mon Glock te mettra à genoux. Ouais, mon Glock. C'est extrait de l'album Corleone, le 1er septembre dans les box, dans les bacs. C'est un gros morceau aussi celui-ci. Ouais. Gros morceau, gros morceau. Gros morceau de l'album. Ice MC est avec nous ce soir en invité. Yeah. Vous allez nous faire Dolce Vita dans quelques minutes. Ouais. Exact. Ne bougez pas, juste avant, il y a Jalal par téléphone de Limoges. Salut Jalal. Salut Fred. Ça va en pleine forme? Ça va en pleine forme, comme toujours. Bah, je te présente la crime, notre invité toute la semaine. Salam. Salam, ça va Jalal, tu vas bien? Ça va, très bien. Avec Ice ça MC va, aussi qui est là. Salam, ça va Vico? Ouais. Ça va, tranquillement, tranquillement. Bon, Jalal, prêt à rapper? Après, comme toujours. Bon, 1:30, sinon il y a le gong, hein, évidemment. Eh oui. Rapide, court, efficace en 1:30 pour faire un freestyle par téléphone. Jalal, on t'écoute du côté okay, de Limoges. Ok, c'est à capella, ça fait. C'est nouvelle paire de skates, bah. Skate K, tu me trouves fort, c'est le cas. Moi, on est dans les veines, j'ai pas de sang, je suis lancé, oui, je m'arrête pas. Que des pyromanes ont fait le feu dès qu'on arrive. Fume peu, nique pas le bénéf. Wicked, oui, wicked, moi, râleur, Mario, Melo, Beck et F. J'aime les coups d'un soir, m'en veux pas si je te dis pas, je t'aime. Si c'est pas rappé, y'a que dans tes rêves, qu'il y a des pages pleines. Grosse dose de punchline, je suis sûr qu'on pourrait percer. Je mise un billet sur ta jume, en dit aux gens qu'on gère le tiers, c'est meilleur que le meilleur rappeur connu que tu connaisses. Et je sais que tes gars nous connaissent. Wicked, wicked, on a du talent, c'est pas nouveau. Tu veux percer mes talents, ambition d'un club de bas niveau. Mensonge et balivernes, c'est tout ce qui sort de vos bouches. Je mets des coups francs dans la lunette, applaudis depuis la touche. Couchez-vous, mon équipe est dans le jeu. Toi, tu n'as rien de dangereux. Sa mère, la pute, celui qui pense qu'étant connu, je changerai, je me vengerai. Pas d'un frangin qui me trahit, je le bute. Je te laisse penser que t'es devant et quand t'as fini, je débute. On m'a dit, méfie-toi des gens, fais ta life, écris la légende. Tu veux nous rattraper, mais je sais pas si t'as les jambes. Je suis un gentleman, dis-moi, je fais quoi si ta go m'allume. Je te souris à peine et t'aimerais que j'aille te décrocher la lune. Je repousse mes limites tous les jours, vos ambitions, je vous les chour. Personne dans ma ville ne réussira si j'échoue. Je veux qu'une cyborg me dise, tu rappes comme un robot. Si j'écris pas deux jours d'affilée, c'est sûrement que je suis en repos. Hé les gars, ça kick, c'est cramballé, vos bails à l'ancienne. Deux niveaux d'écart, couillon, je suis parité valencienne. Des bêtises à balancer, je suis taillé comme un arc posé dans le sud, pépère. Je les laisse partir au lac, full hella comme dit Melac. Je suis un putain de phéno. Si tu mets pas une panenka, ne tire pas le péno. Fast life, ok, tu veux me buter, fais-le vite. La bine fait pas le moine, donc l'argent ne fait pas le hit. Lego, et je vois le... Aïe. Respectez le gong. Parfait, pile poil à la fin, au moment où le gong a retenti. Eh oui. C'est bon, Jalal, bah écoute. J'ai senti. Bravo. Lourd, bien, bien. Bravo, bravo à Capella en plus. Merci, ouais, merci, c'est cool. Bien, on peut te retrouver où, Jalal? On peut me retrouver sur Twitter, Jalal Music, J-A-L-A-L, Musique, M-U-S-I-C. Donc sur via Twitter, il y a tous les liens, il y a les mixtapes, il y a les clips et voilà. Eh ben très bien, on ira suivre Jalal Musique. Voilà, est-ce que je peux faire une dédicace vite fait? Vas-y, vas-y, on t'écoute. Je veux faire une dédicace à mon groupe, Wicked Gang, à Melobeck, Raller, et à mon DJ, DJ Stowan. Donc allez suivre aussi sur Twitter, il y a tous les liens, DJ Stowan, Wicked Gang, et voilà. Et grosse bien. Dédicace à la crime et à SMC. Merci aussi. Beaucoup, merci bien. Frère. Bien, en tout cas, continue là. Ouais, petit bâche. Ça tenait la route, c'était bien. Tu as retenu quand sort l'album, Jalal? Comment? Tu as retenu quand sort l'album? À Corleone la semaine prochaine. Voilà, c'est un plaisir. Oui, c'est incroyable, vraiment. Ah, merci. Hein. Le 1er septembre dans les bacs, l'album Corleone. Et pour répondre à la question que j'ai posée tout à l'heure, l'un ou l'une d'entre vous repart avec la box de la crime Corleone. Dans quelle région du monde se situe donc le petit village de Corleone? C'est évidemment. En Sicile. En Sicile, voilà. Il y a eu plein de bonnes réponses. J'étais sur le. Tu vois, ce que je réponds pas. Si, là, tu pouvais. Donc, c'est bien en Sicile. L'un ou l'une d'entre vous qui repart avec sa box Corleone, qui sera dispo uniquement à la Fnac, avec t-shirt collector et l'album, évidemment, en édition limitée. Avant de faire le live Dolce Vita. Yeah. Bah, si on mettait justement Corleone, le morceau. Ouais. L'intro de l'album. Ouais. C'est parti. Avec plaisir. La crime. Hein, fraîche. Il est lourd, le son, hein. Oh, corps. Tu fais des sous, t'as pas qu'à fond. C'est que t'es comme moi. C'est que t'es comme moi. La rue, c'est plus dangereux qu'un coma. Vrai, me suivez, me supporte. Je vous oublie pas. Non. La vie est courte, monsieur. Donc faut des armes, du courage, du vice, l'honneur. Petit frère, sois fier. Regarde-moi. Là, ouais. Le jour, la veille, de ma paye, je dors pas, l'ivresse, la fin, des billets, de mon repas, ouais, ouais, la guerre pour faire ma vie. Protéger la mif, tirer sur l'ennemi, viser dans le mille, hein. Tout niqué, des frères ont embrassé la mort. Ça et des médias, des vrais soldats, je vous oublie pas, hein. Vais-je pouvoir un jour me reposer? Mon père t'a fait la nuit, le dos cassé. À 15 ans, je volais des sous, j'ai jamais grandi. Pourquoi mon cœur est maudit? Envie de faire des folies. Pourquoi les démons me font croire que l'enfer est joli? Même avec des millions, aurons-nous la paix? Beaucoup trop finissent par se fumer. On est qu'ailleurs dans le monde. Avec la fin, je suis parti de rien. Je voulais voir le monde, donc j'ai volé. L'estomac noué, jeune et doué. J'ai fumé le roi qui me croyait dévoué. Lové, mon Dieu, toi seul peux me sauver. Si vous saviez ce qu'on a fait, et pas toujours ce qu'il fallait. Crever, le fond de mon cœur n'est pas mauvais. Juste un grand loup de la tête, qui a tout niqué pour rater sa pièce. Yo, 9-4, you know how we do. Ça braque, ça monte de la drogue. Tout fait pour creuser mon trou, il fallait se débrouiller. Fallait qu'on baisse tout, y'a rien dans mon assiette. Je prends tout au resto. La faim nous a soudés, nous a rendus plus forts. On a grandi sans un sou. Adolescent, nous prenions que des leurs. Fais du mal, déçu ma mère. Amour venu d'ailleurs. Du fils et mitrailleur. T'es là pour toucher ouais, tous les gars. C'est comment? T'es là pour tout perdre. Je suis qu'un homme parmi tant d'autres. Juste de passage, ouais, bienvenue dans mon monde. Ah, je reçois les coups de téléphone là de la grotte. Léon. Bientôt la sortie, Inch'Allah. Ouais, Crane Max. Corleone, c'est le morceau qui te plonge direct dans l'album. À mort. Il suffit d'appuyer direct, on voilà, tombe sur ce. Numéro 1. C'est le morceau de l'intro de l'album. Exactement. Corleone qu'on écoute à l'instant sur Skyrock avec La Crime, Ice MC aussi. Si vous êtes prêts maintenant. On est prêts. Dolce Vita. C'est parti. Donc ça, c'est un morceau Dolce Vita qui a été balancé il y a quoi? Il y a un bon petit moment maintenant. Ouais, il y a un peu plus d'un an, un an et demi. Il y a. Ouais, décembre 2012. Voilà, un morceau que vous avez fait ensemble, en commun, et que vous allez nous faire maintenant en live voilà. Dans l'émission. Ice MC et La Crime en featuring, c'est parti. Ok. Ice La Crime. La Dolce Vita. Frère. Dolce Vita, bitch. Amine, on dit quoi? Aïe, on gagne accent. Dédicace à tout le XB Barbare, Instinct Animal, fin 2014. On va brûler ça seulement. Ok. Je vole l'étage, m'en bats les couilles, tu me qualifies d'esclave. Anna, nos cloques, on baisse grave. J'ai pas le permis de port d'armes. Grande brigade, mon nom est DNN. Grosse équipe, la tienne est rodable. Y'a que des chats qui font de la PN. Tu n'es qu'un menteur, tu fais que dalle. Tu grattes les culs des glanders. Splendeur, j'envoie ta frappe, le temps pensé, Marc Landers. J'm'accroche à mon âme. Dis-moi ce qu'ils la veulent. On aurait vu le monde entier, même si on avait été aveugle. Voyons, y'a pas d'hôtel libre. Kelly, Belly. Si ma j'ai le coup de train de Balotelli. On ne sait faire que des délits. Nous ne sommes pas trop. Aimable. Tu veux clasher ta mère, ce sera la béquille du T-Max. Ré, ré, ré. En plein après-midi, il y a des choses qu'on fait d'abord et qu'on dit après. Je m'apprête à faire du vacarme. La pute veut mettre au placard. Miroir, dis-moi qui sont les vrais. Dis-moi, dis-moi qui sont les bâtards. Sur les sentiers de la Dolce Vita, perdre des plumes est inévitable. Enchanté, Veniqua, Bellissima, Ice, la crime, le cash, tout est vital. Grosse voiture italienne, haute couture italienne, top modèle italienne, c'est un braquage à l'italienne. Sur les sentiers de la Dolce Vita, perdre des plumes est inévitable. Enchanté, Veniqua, Bellissima, Ice, la crime, le cash, tout est vital. Grosse voiture italienne, haute couture italienne. Top modèle italienne, c'est un braquage à l'italienne. L'enfer est pavé de bonnes intentions, mais le diable vend de la poussière dense. Je volant d'un Range Rover de location, je veux la Dolce Vita, je suis venu prendre ma revanche. Bête bitch, t'as le nez dans la blanche porcelaine. De nos textes, les faussaires semaines. L'imitation reste la plus sincère des flatteries. T'auras pas le titre d'un crime ou harcelaine. Harceler trop de semaines dans la même semaine. C'est le repos de ne plus trouver le sommeil. Arsenal de guerre, on arrive en mercenaire. On n'est pas des étoiles, on les laisse au système solaire. Un seul, je ne regrette pas le passé. Juste le temps perdu lorsque dure son émerge, qu'il n'y a rien à brasser. L'espoir se perpétue, je suis perturbé. La patience, c'est la meilleure des vertus. Pour des tagliatelles al dente, c'est un braquage à l'italienne. Plus immédiat que des mini, y'aura pas de bête. Mieux vaut un ennemi qu'un ami qui m'envie si j'ai la Dolce Vita couvert de Gucci. Certains rêveront que je perde mon level, que les keufs me soulèvent pour me terminer en mille. Ma pétaille, c'est vêtu de Dolce. Dieu verra si tu fais Zuvel, m'appelle Marcello Ice. Elle ignore que c'est à l'oseille que ma vie se résume. Eh ouais, gros. Triangle d'or. Aïe aïe aïe. Corleone. Allez chercher Corleone, la famille. Hey. Dolce Vita. Sur les sentiers de la Dolce Vita. Perdre des plumes est inévitable. Enchanté, Veniqua, Bellissima, Ice, la crime. Le cash, tout est vital. Grosse voiture italienne. Haute couture italienne. Top modèle italienne. C'est un braquage à l'italienne. Sur les sentiers de la Dolce Vita. Perdre des plumes est inévitable. Enchanté, Veniqua, Bellissima, Ice, la crime. Le cash, tout est vital. Grosse voiture italienne. Haute couture italienne. Top modèle italienne. C'est un braquage à l'italienne. Sur les sentiers de la Dolce Vita, perdre des plumes est inévitable. Enchanté, Veniqua, Bellissima, Ice, la crime, le cash, nos évitales. Grosse voiture italienne, haute couture italienne, top modèle italienne, c'est un braquage à l'italienne. Aïe aïe aïe. Dolce Vita, c'est toujours le même. Dolce Vita. Ice MC, la crime. La crime, ma gueule. Aïe, en aïe, live, aïe. À l'instant, avec la crime, avec Ice MC. C'est un gros morceau, ça. Un gros morceau aïe, qui aïe, s'appelle aïe. Dolce Vita. Qu'on peut retrouver d'ailleurs sur le net aussi, celui-ci. Voilà, ouais. Que vous pouvez toujours écouter, que vous pouvez toujours aller écouter sur Toujours le Même. Donc, Toujours voilà. Le Même, et même sur YouTube. Vous allez écouter. Eh ben, très bien. Donc, à suivre également donc l'album d'Ice MC qui est en train de se préparer. T'en es où, toi, sur l'album, là, concrètement? Ça y est, hein, j'ai presque fini. Je vais arriver en fin d'année, Inch'Allah, tranquillement. Et voilà, c'est mon premier album. C'est un vrai album. Mmh. C'est fini, les mixtapes. Tu vois, moi aussi, je rentre en mode album. Et bon, le voilà. Précédent, il y avait déjà quand même... Il y avait 17 morceaux, tu vois, il y avait 17 ou 18 morceaux par mixtape, mais je pense que ça veut rien dire. Tu peux faire mieux en moins de morceaux, tu vois, c'est le nombre, ça veut rien dire finalement. Et toi aussi, sur cet album, t'as décidé d'élever le niveau, de tenter des choses. Ouais, de tenter d'évoluer, tu vois, de ramener vraiment. Je pense que là, ça va être vraiment mon projet le plus travaillé au final, parce qu'il y a des morceaux que je travaille depuis 10 ans en fait, que j'ai jamais osé faire sur cet album. Et que aujourd'hui, avec mon expérience, ma maturité, je vais pouvoir sortir. Et je les ai travaillés des années, des années, des années. Donc c'est pour ça que je te dis que je pense que ce sera mes meilleurs morceaux jusqu'aujourd'hui. Bon, on suivra ça fin de l'année. Ah ouais, gros, Ice MC, ma gueule, faut suivre. Dice MC, mais avant ça, lundi 1er septembre, album Corleone. On va écouter un morceau avant de faire tourner la roulette. Qu'est-ce qu'on met comme morceau? On va mettre Luca Brasi. Luca Brasi? Ouais. Tire-toi en arrière. Ouais. Allez, c'est parti. Maintenant, c'est la crime sur Skyrock. Faites péter ça, ma gueule. Tout de suite, et vos messages aussi avec le hashtag Lacrime sur Skyro qui n'arrête pas de défiler, vous continuez. J'ai rock à faire du partout. Chez moi la haine n'est jamais gratuite. Rebeu, y'a des fous de partout. Mais toi, tu finiras comme nous caplassi. Laissez-moi brasser bande de bâtards. Des armes, du matos dans le moteur, du matal. Y'a des traces de gros sur ma table. Camisole, je m'isole, j'ai peur de ma balle. Yo, wow, casse de verre, belle de femme, champagne, je suis dans la musique. Si je me fais péter, ça fera plus d'impact que les hommes pas. Les hommes parlent, la rue me porte, ça m'étonne pas. Si je me fais péter, même si je prends du biche, bah sur la vie de ma mère que je te donne pas. Wow, c'est comme ça la vie, l'oseille, les palaces, les mitards, les égouts. Les calages, les bracos, les écoutes. Aura du bif à qui veut porter ses couilles. Porter ses couilles, baiser la vie. Dans ce monde, dis-moi, dis-moi qui a tort. Ta vie dure, pas mieux par moi. Je préfère taffer la pure du rap d'or. T'auras beau trouver des astuces, y'a que les anges qui m'accueillent. Sur la vie de ma mère que je te tire dessus, je te mettrai pas de côté si bien dans ta gueule. Refrain, je ne m'invente pas de vie. Je viens du 9-4 et pas de mes déguis. Toi t'allais en cours, moi je pétais tout. Si la œuf me dit si je ramenais des litres. Ramenais des litres de pur. Cousin 80 e gramme. Avec une mitraillette posée dans ma cave. Allez dire à la stup que me suce la e gramme. Ceux qui parlent mal, cousin, je les enquille. Je m'embrouille pas pour de la merde. Dans mes sons, j'ai jamais menti. Ce soir, je m'endors au bord de la mer. Je suis pas la frais par la vie. Ce qu'il te raconte, celui-là n'écoute pas. J'arrive côté droit par la vitre. Tu passeras le bonjour à Tobac. Bonjour à Tobac. Gloire à Tobac. Je te tire dessus. J'te rate ou pas, j'te rate ou pas. J't'allume mon papa l'homme. J'pars de Belgique et j'dors à Dubaï. N'est que sa mère, Wiz Khalifa. C'est pas mon père, il me donne pas de bif. J'te répète, moi j'ai 28 ans. Si je m'embrouille, j'mettrai pas de gifle. Là j'repense aux petites et grosses peines qui patientent en cellule au tarmi. J't'édicacerai jamais les grosses merdes. On devrait même le fumer par mille. Fumer par mille, gros. J'ai enfin adrénaline. Un des classes tubes, quoi qu'il y a. Beaucoup faire des barrages, vouloir du bif. Mais t'en pas de santé jusqu'à mardi. Si t'es une crasseuse, t'as oublié. Soit disant t'as peur de l'enfer. Mais je sais que tu sors au matin, tu parles au diable. T'auras beau trouver des astuces, Robert. Y'a que les anges qui m'accueillent. Sur la vie de ma mère que je te tire dessus. Je te mettrai pas de cause et si bien dans ta gueule. Refrain, je ne m'invente pas de vie. Je viens du 9-4 et pas de mes déguis. Toi t'allais en cours, moi je pétais tout. Si la œuf me dit si je ramenais des litres. Ramenais des litres de pur. Cousin 80 alors Rino. Avec une mitraillette posée dans ma cave. Allez dire à la stupe comme si c'était un grave. Ceux qui parlent mal, cousin, je les sentis. Je m'embrouille pas pour de la merde. Dans mes sons, j'ai jamais menti. Ce soir, je m'endors au bord de la mer. T'auras beau trouver des astuces, Robin. Y'a que les anges qui m'accueillent. Sur la vie de ma mère que je te tire dessus. Je te mettrai pas de côté si bien dans ta gueule. Refrain, je ne m'invente pas de vie. J'ai perdu 9-4 et pas de mes délines. Quand t'allais en cours, moi je baisais tout. Dis la F même 10 et je ramenais des litres. Ramenais des litres de pur. Cousin 80 grammes. Avec une mitraillette posée dans ma cave. Allez dire à la stupe que c'est comment à l'une là. Ceux qui parlent mal, cousin, je les sentis. C'est comment dans les entrées. Dans mes sons, j'ai jamais. Y'a le son ou pas? Je m'endors au bord de la mer. La crime avec nous entre 20 et 21 ouais. Sur Skyrock et l'album Corleone qui sort dans 6 jours maintenant. 6 jours. 6 jours avant la sortie, toujours en précommande. Toujours en précommande. Allez-y, avant de se quitter, on va finir avec le morceau avec lequel on ouvre l'émission chaque soir. Le morceau s'appelle Bracelet. Ouais, Bracelet. Ça, c'est un des morceaux aussi préférés d'Ice. Des gros titres. Un des gros titres de l'album. Ouais. Et qu'on a pu découvrir d'ailleurs en exclu hier et qu'on vous repasse maintenant. Bracelet sur Skyrock. Et puis on fera tourner la roulette inscription. Allez-y, 41-759 pour faire tourner. On fait tourner juste après le morceau et avant le retour de la radio libre de l'été avec Diffoul en direct dans quelques minutes. T'es une belle petite bombe atomique. Un bête de corps, une parole de fusil. J'ai le bracelet électronique. Sinon je serais déjà parti dans les îles. Ouais, je veux une salope comme Clara Morgan. T'as envie de baiser, j'ai le temps pour gaz. 69-890, bâtiment B posé dans le calme. Le matin je descends dans la promenade. Je suis cette barre de fils de pute. Je veux la directrice dans un convoi. Avec Félix et So faire sauter le bus. Dors ça complote, on va te fumer. Un jour de pluie, te laisser par terre. J'aurai un alibi, j'irai à Miami. Sur un jet ski sans départ de... Non t'aimes c'est si t'aimes, je vais faire. La commis parfaite pour décevoir ses frères. Tu me donnes un tuyau, je vais te faire l'affaire. Je donnerai pas ton nom si le procureur m'enferme. Je suis tellement fier. 10 millions, je serai pas de bite. On dit que le diable m'habite. Que les toutes ma vie, que le doute navigue. Dans toute ma vie, mon automatique va les faire changer d'avis. Oh, toujours du flow. Pour le fils de pute, les donneurs d'ego. Je pense à mes robes, toujours en cage. J'ai beaucoup d'erreurs à convertir en cash. Clique ma page, on est clé barrage. Ton pote dans le voyou va devenir l'otage. Besoin de tuer ma rage, ma bon massage à bord de la plage. Ouais, ouais, je mets mon fils dans le X6. 5 ans, il aura fait le Mexique. Ferme ta gueule, imbécile. Nous c'est fait tout, c'est pas V6. J'ai tout niqué dans ma tessie. J'ai pas de tiens, tu pars Messi. Je viens du 9-4, je me suis fait tout seul. Donc je prends tout, je dis pas merci. Espèce de fils de putain. Alors la Guy, y'a des locations qui sont pucées. C'est les vrais qui font que j'ai du succès. Quand t'as des vrais tueurs, t'as même tu sais. Des modèles quand tu as des couilles. Ça c'est pour la vie. Mais comme t'as donné ton petit cul, tu seras jamais mon ami. Toto à 23h, je bois du champagne. Foie gras, pas des Stringles. T'inquiète mon frère, je suis toujours le même. Calibré comme un Ingle. Ils parlent tous de moi comme gros Carlos. Bécane, photo pas moche. Je te laisse sortir devant chez toi. T'es mort dans la porte de ton cabos. J'ai jamais sucé, j'ai jamais violé. Jamais de billets gris que des billets violés. Sale fils de pute, vous êtes démodé. C'est quoi cette talon, je vais la démonter. Je suis parti pour tout baiser. Des chartes, des chiffres jusqu'à TVC. Dans la rue, sont mes couilles que j'ai tout misé. Comme Kala, pas besoin de savoir viser. Tout le temps, juste épis. De toutes tes couleurs sont mes yébis. De toutes tes couleurs sont mes amis. Russie, Bastia, jusqu'au Mali. Bah, tu saisis. Nique ta mère. Je représente les vrais frères. Je suis déter. Y'a mon album qui va sortir. Madame Echo, c'est lunaire. Avant d'aller au prétoire, je fume un joint d'herbe. Je me rappelle que je vais mourir avant d'avoir l'âge de mon père. Quel enfer, faut se battre pour avoir la foi. Tu me fais, je t'emmène avec moi. Où les hommes pour les plaisantes pas. Sur la tête de ma daronne que je changerai pas. Bâtiment A, bâtiment B, bâtiment C. C'est comment? Alors Eddy, je reçois le texto. Ouais, ça brille. Bon petit refrain. On voit des messages. Aïe. C'est extrait de l'album Corleone qui sort le 1er septembre, le morceau Bracelet. À l'instant. À propos d'image, il y a un clip qui arrive aussi jeudi. Hein. Gros clip qui arrive ouais. Jeudi. Le morceau avec Lil Durk qui s'appelle On fait pas ça. On fait pas ça. Donc les images arrivent, je crois, aux alentours de après le Planet Rap jeudi. Ouais, 22h. Peut-être tard dans la soirée, mais jeudi. Et vous pourrez réagir dessus évidemment avec les prochaines images de la crime. On fait pas ça aux côtés de Lil Durk, clip tourné à Miami, c'est ça? Exactement. Tranquille. Non, mais très lourd. Franchement, voilà, je préfère ne pas parler. Ils vont découvrir et voilà. Le morceau, il est énorme aussi. Et bon, on pourra vivre ça aussi en fin de semaine avec la crime dans Planète Rap, 20h-21h. Ouais. Avant de se quitter, on va faire tourner la roulette, c'est parti. Ouais, et je voulais dire. Ok. Je voulais dire que j'avais une date à Marrakech. Ah. En fait, jeudi. Mm-hmm. Donc je voulais le préciser. Et bah pour tous ceux qui sont. Retrouvez-moi au 555 jeudi. Tous ceux qui seront du côté du Maroc. Voilà. Allez faire un tour pour voir la crime en showcase et on fait tourner donc maintenant on la roulette. On va faire un aller-retour. Skyrock t'offre ta compil Planet Rap 2014 volume 2. Et ton iPad mini. Avec Soraya Dépinay. Salut Soraya. Salut Fred. Salut la crime. Salut Ace. Salut, ça va? Ça va bien? Ça va ou quoi? Ça va, merci. Tranquille? En pleine forme? Tranquille, en pleine forme. Bon, super contente de passer. Et bah, bienvenue à l'antenne. Tu es venue aussi pour faire tourner la roulette. Exactement. Et est-ce que tu as retenu par contre quand sort l'album de la crime? Oui, 1er septembre, Corleone, pas de problème. Allez, c'est mon coup, tu crois quoi? Ouais. Il y a tout mon public qui chante. La crime va tout vous rafler. La crime va tout vous rafler. Il n'y avait rien pour nous dépanner. Tout le monde veut délover. Ça tue, merci beaucoup. À la snack le 1er septembre. Merci ma copine, tu déchires, merci beaucoup. Bon, bah Soraya, alors moi j'ai pas de lové à te filer, mais peut-être le iPad mini. J'espère que la crime va me porter bonheur. Ouais, bien aussi. Bonne chance. Dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti, on fait tourner la roulette. Stop! Et la roulette qui va s'arrêter pour toi sur la case, c'est. Allez. Une bonne surprise. Eh bah, très belle surprise, puisqu'il y a évidemment les albums Planet Rap 2014, volume 2, La Crime et l'iPad mini. Oh, vous déchirez, Skyrock, merci. Tout le monde veut être élevé. Eh, La Crime, j'espère que ton album, il va cartonner. Merci beaucoup, franchement, je te souhaite beaucoup de réussite. Merci beaucoup, ma copine. Merci. Tu peux faire le remix, tout le monde veut un iPad mini, tu peux dire je l'ai. Ça y est, c'est fait. Voilà, c'est clair. Vous déchirez, Sky, merci beaucoup. Franchement, ça déchire. Bisous, Soraya. Bisous à tous. Bonne soirée, allez, ciao. Bisous, ciao. Passe une bonne soirée. Merci à toi, Soraya. Ice, merci d'être passé ce soir dans l'émission. Merci à toi Fred. Merci à Issa. On a la crime qui m'a invité, ça fait plaisir. Hop, merci. On va faire une course l'actu, c'est Corner. Merci à tout le monde. Il y a Corner. Voilà, le dernier son c'est Corner. Allez guetter. Et je vais vous dévoiler une petite exclue. Le prochain son, il s'appelle Pyramide. Et il arrive quand alors? Il arrive bientôt. Là dans. Bientôt, t'inquiète pas. Les jours, les semaines. Et mes locaux et mes locaux, j'espère que comme d'habitude ils suivront bien le truc. Et voilà. Donc grosse exclue, prochain son d'Ice MC, Pyramide. Pour l'instant on est toujours sur Corner et tout, tu vois. Même moi j'aime beaucoup Corner, je le réécoute encore. Et j'espère que Pyramide va mettre une vraie baffe. Et bon, on suivra ça. Merci d'être passé ce soir en tout cas. Merci à toi, merci de m'avoir invité. Refait. Allez chercher Corleone, c'est pas du foutage de gueule. C'est un vrai artiste. Comme il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui, alors allez-y. Merci, voilà. Miguel. Et la crème qui va revenir aussi demain, toute la semaine. Ouais. Et même la semaine prochaine. Et même la semaine prochaine. Donc autant dire qu'on est refait. Ouais, les potos, ils ont ramené la valise. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. On pourra les découvrir aussi cette semaine. Il y aura du live avec des artistes que tu vas inviter dans ton Planète Rap. Exactement. Et là, on va retrouver toute l'équipe de D-Fool. C'est la radio libre de l'été. En direct. Si tout le monde est connecté. Ah, dans un instant, bah tiens, parce que je t'ai pas dit, mais hier, je t'ai foutu dans la merde, la crime. Pourquoi? Je t'ai proposé au Ice Bucket. Tiens, écoute. Alors, Fred, il faut que tu fasses ton discours. Je nomine. Ah, parce qu'il faut nominer. Mais non, mais il faut parler à la caméra. Ah, pardon, alors, attention, 3, 2, 1. Romano, je le nomine parce que c'est un mytho. Il a rien enculé. Et de 2, je nomine aussi Marie parce qu'on n'a rien vu. Et de 3, je vais tenter avec la crime qui est l'invité de Planète Rap. Attention. Voilà, ça c'est quoi? C'est quoi? Je me suis pris le truc de glace sur la gueule. Ouais. Tu veux y aller? Non, la crème, il est parti déjà. La crème, il est loin déjà? Non, la crème, il est parti déjà. C'est... Oh merde, il est parti au courant. Frappé, il est parti. Oh putain, il n'y a plus personne. Ah non, c'est sûr. D-Fool, tu es là? Je t'aime bien. Oui, Fredo. Je suis tout seul. Je suis là, mais c'est bizarre, j'entends la crème. C'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas, lui. C'est pas la crème. C'est un de ses collègues. Ah, hein, c'est ça. Il me voyait pas là. Non, je te vois pas, non. C'est pas moi, les gars. Mais on t'a vu. Non, non, c'est pas moi. C'est pas moi, désolé. Merde alors. Je peux pas, les gars. Moi, je voulais saluer la crème parce que je sais. Parce que bon. Je sais qu'il a été nominé par Fred au Ice Bucket Challenge. Bon, je voulais savoir un petit peu sa réaction, comment il trouvait le truc, est-ce qu'il avait envie de se foutre un seau d'eau glacée sur la gueule. Enfin, là, je suis avec toi, je te parle par respect parce que sinon je me serais sauvé vite. J'ai compris, tu parles plus à Fredo, ça va être compliqué pour finir Planète Rap. Finir la semaine, ça va être compliqué. Et puis la semaine prochaine. En plus. Mais je te jure que ça va, j'ai reçu un texto dans la nuit d'un petit espion à moi, Seb, il m'a envoyé, mais il m'a dit, tu sais que Fred t'a nominé, t'es mort demain. Tu vois, donc. Non, mais sinon, on a le seau, on a la glace, on a tout ce qu'il faut. Non, je me barre. Les gars. Comment faire fuir la crime, vous avez compris hein. Avec un seau d'eau. Non, vous avez pas toi avec moi. Vous arrivez avec un seau à glaçons. On aura des victimes ce soir dans l'équipe. François Hollande. Alors François Hollande l'a fait hier. Oui, je tiens à remercier François Hollande. Il l'a fait hier, il a fait un discours, le mec était encore sous la pluie. Donc merci François Hollande. Il manquait juste la grêle, mais bon, il l'a fait. Ah, bah il s'est pris un sacré seau d'eau. Oui, oui. Ah, tu m'étonnes. Sacré douche. Bravo François, merci d'avoir répondu à l'appel. À l'appel de Skyrock, c'est gentil. Merci François Hollande. Les auditeurs aussi, vous êtes plein à nous en avoir envoyé parce que je vous ai nominé hier. Plein. Et puis, dans l'équipe, il y en a qui ont été nominés, qui ne l'ont pas encore fait. Ouais. Eh oui. Je vois Samy. Eh ben Samy qui vient de sortir du studio juste au moment où on en parle. Il fait un peu l'esquive de la crime de tout à l'heure. Il nous fait la même, Même esquive. On va le rattraper. Karim, on n'a rien vu. Karim. On n'a rien vu. Je suis un bonhomme, t'inquiète. T'es un bonhomme, tu vas le faire. Ouais, normal. Vous échappez avec bon la crime. Karim, bon courage, Karim, ciao. Tu vas présenter la crime deux fois ce soir. Il le fera deux fois. Et Romano, t'as été renominé par Fred aussi. Oui. Mais il y a Marie aussi d'ailleurs. J'ai nominé les deux mythos. Marie, toi, ça allait à peu près, mais j'aurais voulu qu'on voit un peu plus de trucs. Ah ouais, non, mais bien sûr. Mais Romano, c'est un mytho, le mec, il est à la plage, tout le monde peut le faire. T'es à la plage, tu te plonges direct, ça y est, c'est fait. Non, mais j'ai pas plongé, je me suis pris un seau d'eau. Oui, mais c'est pareil. Donc voilà, là, il en faut un vrai. Voilà, c'est vrai, ça c'est bien dit, Fredo. Bah oui, attends. C'est bien, Fredo. Mytho. Salaud. Bon, Fred, la crime demain, on vous retrouve. Ouais, merci beaucoup. À 20h. Ouais, merci, bon courage. C'est parti, bonne soirée à toi, la crime. Merci, les gars. Puis demain, donc Fred arrive avec un seau d'eau à 20h, ça va être super. Jamais. C'est pas ça, il va pas venir. On vous attend. Demain, pour Planète Rap, à pas louper, l'album de la rentrée, c'est l'album de la crime. Merci. Nous, on va démarrer. T'as pas mis Eminem ce soir, Fredo? Non, je l'ai pas mis. Eh ben, on va le mettre. Je voulais laisser. Eh ben, c'est gentil. On va démarrer avec Eminem, le tout nouveau Eminem que vous avez découvert en exclu sur Skyrock hier matin, exclu. Mondial pour vous. Ouais. C'est sur Skyrock que ça se passe. Il est de retour. Et Eminem, qu'on retrouve tout de suite avec son nouveau son. Vous me dites d'ailleurs ce que vous en pensez. Vous pouvez laisser vos messages dès maintenant. Vous pouvez débarquer dans l'émission aussi. C'est parti pour la Radio Libre dans un instant. A tout de suite. À tout de suite.